statistiques qu'on vient d'entendre, comme une bonne presque dizaine de nouvelles entrées, 3 du côté anglo et 5 du côté franco, ça en fait 8, ça. Mm-hmm. Ça, c'est oui. Popé. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on accueille autant de nouvelles pièces, là, mettons? Je sais pas. On leur a dit au revoir aux anciennes pièces qui nous ont quittées pour se sacrifier, pour laisser la place aux autres. Hein. OK, donc, on palme un rest in peace. Just voici les pièces qui nous ont quittés depuis le précédent palmarès. C'était des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 16 au 22 septembre 2013. On a donc dit au revoir à Mimi Van Der Glow et la pièce « Mets ça dans ta pipe » qui est restée pendant 9 semaines. C'est long. Même chose pour les Indiens, « Crâne » qui a duré 8 semaines. Aussi à « Deux pouilles en cavale » et « Courir nu » qui est resté 5 semaines. Ensuite, je vais vraiment pas aimer ça. « Atomic Baobab » qu'on adore avec Radio Réveil 7 semaines. Aussi, on a dit au revoir à « Le nœud » de Midi Cayenne Club qui est resté 7 semaines. Et ça, moi, ça me fait dandiner, je capote. Ensuite, le hit de l'été de « Dangs » et « Summer Lovin' » 7 semaines. 4 semaines. Aussi Phoenix et la pièce Trying to be Cool qui est restée 3 semaines. Ça, je comprends pas seulement comment c'est. C'est très court. Cool, hein? Pourquoi ça a duré juste 3 semaines? C'était super bon cette chanson-là. Et la pochette est belle, il y a une pêche dessus. Oui. Ben, ils sont dit, il y a une pêche sur notre album, fait qu'on se dépêche à s'en aller des palmarès. Hey, justement, j'en ai une. Je vais la manger tantôt. Génial. Et on termine avec Jay Arner et une pièce qui a passé vraiment inaperçue pendant ses maigres 4 semaines en ondes. C'était Midnight on South Grenville. Donc voilà pour Palmer Rest in Peace. On fait ça chaque semaine au Palmarès C'est Fou. On dit au revoir aux pièces qui nous ont quittés pour faire place à de nouvelles entrées. Voilà.